Tortoline et Art Attack tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bienvenue tout le monde, vous écoutez Tortoli et Art Attack, vous écoutez Radio Panique, c'est le 105.4. Et là, on est sur une... On est sur du bon, hein, parce que c'est Tortoli et Art Attack, comme tu viens de dire. 17h, 18h, ça tu l'as dit? Oui, c'est la seule émission de la bande FM qui a le triple A. Ah, c'est voilà, bon, qui est bon. La dernière notation. Merci à Lehman's Brothers. Voilà, il y a tous ses frères. C'est vrai que si on avait perdu nos triple A... On s'appellerait Tortoli et Herbetex. Là, c'est bien d'avoir gardé les A, quoi. Mais juste un petit indice sur la spéciale qui va suivre. On va peut-être passer du triple A au triple B. Allez, bing. Si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est si tu vas bien. T'as vu qu'on était en direct du studio 2? On est en direct du studio 2. Nouveau studio. Tout le monde a l'air content. Tout le monde a l'air content. C'est la première qu'on fait, nous, ici. Radio Panique vient d'inaugurer un nouveau studio qu'on appelle entre nous le studio 2. Voilà, on aurait pu l'appeler studio B, studio prime. Studio 2. Studio DAF. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu la petite plaque. T'as vu la petite plaque à l'entrée, là? En hommage à Tortue l'Herbatax, machin. Ils l'ont inauguré. Enfin, non, c'est sympa. Quoi, ah, bah ouais, j'ai vu, ils ont coupé le drapeau, là. Ouais. Pour la première. Ils ont posé une petite plaque dans le studio en l'honneur de Tortue l'Herbatax. C'est toujours sympa. Merci Radio Panique. Oh, on avait rien demandé, franchement. Pour une fois. Ouais, c'est clair. Sinon, ça va, toi? Ça va très bien. Weekend, et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait hier soir, par exemple? Hier soir, petit concert à l'ancienne Belgique. C'était James Blake. Bah écoute, c'était plutôt pas mal. Tu sais, c'est le truc qui fait comme ça, là. Tu sais. To your love. Ouais, mais voilà. Ouais. Franchement, c'est top. Hein. Non, mais... les mecs étaient en formation de 3. Et Attends, je te pull up. Je te pull up. Merde, c'était tellement bien. Ah oui, d'accord. C'est pas le sujet. Hein. On serait plutôt sur du Brésil. Radio. Bon dia, c'est Tortoli New et Arbataxi New sur Radio Panique New. Et c'est une spéciale Brésil. Todo bem ou quoi? Fala sério. Fala sério. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, très très bien. Le sujet, donc, c'est le Brésil, volume 2. La semaine dernière, on était sur Radio Brésil, on l'avait appelé, je m'en rappelle, non pas du tout. Radio Brésil, volume 1, on fait la volume 2, parce qu'on a du son en masse, on en a assez pour en faire un an, quasiment. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire une émission spéciale Brésil, on a du son pour un an à lui donner. Il y a un créneau à prendre. Enfin voilà, on fait partie du comité d'administration de tout de est le Radio bienvenu. Panique, heureusement. Tout est le bienvenu. On fera le nécessaire pour mettre notre veto. Donc laisse tomber. Radio Brésil aujourd'hui, c'est la volume 2. Je pense qu'un générique ferait l'affaire pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Générique comme d'habitude. Bien old school. Attends que je le trouve. Ah attends, d'accord. Bon, le Brésil. Ce qui est bien, c'est que voilà, je disais, il y a du son en masse. Il va y avoir des gros, ça va, gros t'es pas obligé classiques. T'es pas obligé de combler. Ah bah si, je suis obligé de. Oh non, oh non. Oh non, c'est le générique. C'est le générique de la semaine. Carapiccio, il est là. Tic tac. Allez, on se retrouve. Ça. Bate forte o tambor. Eu quero a tiki tiki tiki tiki ta. Bate forte o tambor. Eu quero a tiki tiki tiki tiki ta. De terras caídas faz barrinho do nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barrinho do nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor. Eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Tchiké tchiké tchak, il n'y en aura pas. C'était tchiké tac, carapicho. Je croyais que c'était tchik tchak. Carapicho. Mais là je l'entends monter, il vient. C'est le George Eben, Fio Maravilla. On est parti pour une heure de son, d'expression, de tout doubinouche, tranquillinouche. Tortolier Batax, sauce Brasil. On est là pendant une heure. Fio Maravilla, 105.4. Sauce Brasil. Que a magnética agradecida se encantava. Se maravilha. Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial. Oh, oh, oh. Tabelou, driblou dois zagueiros. Deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Gol! Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida te encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom apetido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaia. Quem não sabe jogar capoeira, pirimbau vale ensinar. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom apetido do meu pai. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom apetido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaia. Pra quem não sabe jogar capoeira, pirimbau vale ensinar. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata ouvindo. O samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom apetido do meu pai. O samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom apetido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaia. Pra quem não sabe jogar capoeira, pirimbau vai lhe ensinar. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco... Qu'est-ce que c'est que ça? Tortoli et Arbatax, l'émission radio idéale pour passer l'aspirateur. Au boulot les feignasses. Vous écoutez Tortoli et Arbatax, c'est une spéciale Brazilian You, la volume 12. Et là, ce son que vous entendez derrière, c'est le générique. C'est typique. Je pense. C'est du côté de Sao Paulo, ça. Ça s'appelle des chiffres et des lettres. Des chiffres et lettres. Ah, et c'est pas problème. Pas problème. Alors, comment ça se passe cette chronique, mon ami Arbitinius? L'expression de la semaine, bah, ça fait assez longtemps qu'on l'a fait, je pense que maintenant c'est compris. Je rappelle quand même le principe. Le principe, c'est Tortoli défend une expression inventée, peu usitée, vieillotte, oubliée, tombée dans les oubliettes ou venant d'un autre pays lointain. Moi, je fais la même chose, ça fait un clash, et à vous de voter pour celle qui est la plus pertinente. Je peux peut-être changer de tapis. Hein. Bien sûr. C'est vrai que restons sur le Brésil, puisque qui dit Tortoli Arbatax sauce Brésil dit expression de la semaine brasilienouche. Et du coup, on a été trouver quelques expressions pour le coup très usitées là-bas. Enfin, celle de Tortoli, je ne sais pas. Je ne suis pas au parfum. Bien sûr, mon amigo. Moi j'ai été le pêcher. J'ai fait un petit week-end d'ailleurs, petit week-end pêche dans le large de Bahia. Et voilà, c'est là-bas d'où vient mon expression. Mais peut-être qu'avant, il faudrait peut-être rappeler les expressions de la semaine dernière. Exactement. Et les résultats. Exactement. La semaine dernière s'opposait beleza, beauté, qui veut dire tout va bien, ok, ça va, ça roule ma poule. Et on avait aussi également, je ne me rappelle plus. Foi un parto. Voilà, c'est ça, j'avais peur un peu de le prononcer. L'expression était foi un parto, à savoir. C'était un accouchement. Voilà, c'est un accouchement. C'était pour dire ça a été difficile. Et en effet, ça a été un petit peu difficile, mais pas tant que ça. Parce que quand même en face ça reste quand même Arbatax Inu, donc la montagne n'est pas si haute. Le score final a été de 2-2. Voilà, j'ai inscrit 2 buts en première mi-temps. Et à la fin, je me relâche, j'en prends deux. J'ai envoyé tout ce que j'avais, Pastore, Ronaldinho. Pastore, voilà. Argentin. D'accord. Sa coupe de cheveux est brésilienne ? Sifflet, d'intérieur. Sa coupe de cheveux très brésilienne. Peut-être. Ça, je me permets. C'est une éventualité. Je me permets de. Est-ce qu'il a déjà joué au Brésil ? Non, juste comme ça, entre toi et moi. Non, jamais. Italie. D'accord. Et France. Oh, la vache. C'est vraiment un CV très très mauvais. Là, tu prends deux doubles cartons jaunes. Ça finit au PSG. Bon, et eh ben. Donc, on avait Beleza. Et voilà. Cette semaine. J'ai un peu peur, c'est pour ça que je suis un peu troublé, j'ai un peu peur d'envoyer celui que je vais envoyer. Voilà, il est un peu vulgaire, je vous préviens, vous pouvez écarter les oreilles sensibles. C'est Puta que pariu. Puta que pariu. Ça sonne un peu polonais, c'est vrai. Puta que pariu. Excuse-moi, c'est un peu limite. Hein. Non, mais voilà, ça veut dire en gros, c'est la... Enfin, j'ai même pas envie de... Ça, si, je le fais quand même. En gros, c'est usité pour le bon vieux, le petit putain, quoi. Le petit putain qu'en France, on sort à tout bout de champ, finalement. Là-bas, ça sortirait Puta que pariu tout le temps. D'accord. À la place de notre merde, putain. Par exemple, quand tu vas constater les scores. Et ça ressemble même plus à un putain de sa mère, si je peux me. Voilà. Puta qui est par Ryu. Quand tu vas constater les scores de la semaine prochaine, tu vas peut-être. C'est probablement ce que je vais m'écrire. Je vais me lever mardi prochain, je vais. Puta qui est par Ryu. Très bien, très bien. Ça va ressembler à ça. Bon, bah, je devrais pas avoir de difficulté, la montagne n'est toujours pas si haute. Mon expression c'est Ovelio, ça veut dire mon vieux. L'expression que je défends, Ovelio. Ovelio. Ovelio, ça veut dire mon vieux. Ici en belge, tu pourrais dire fieux. En France, on dit ça va-t-il mon vieux. Ici, à l'aise, fieux. Et au Brésil, c'est mon ami Rundinhoche qui me l'a glissé. Comme je glisse des petits ponts, il m'a dit Ovelio. Voilà. Waouh. Pas mal, hein. Blaise. Ok, Puta que pariu contre Ovelio. Mon vieux. Oh yeah, voilà le clash de cette semaine. Ça se passe sur Facebook en majorité. Hein, ce site de le réseau social Facebook, hein, en somme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où de plus en plus de monde se désinscrit. Et peut-être que ça portera préjudice au score d'Arbatax. Je te mets un sifflet. Le carton. Et voilà. Alors allez voter donc sur Facebook. On vous met la chronique de l'expression de la semaine sur Facebook. Il suffit de voter juste en dessous en commentaire pour votre préféré. On fera le total des scores mardi prochain. Voilà. Vous pouvez aussi proposer vos expressions. Il y a pas problème. Mais la semaine prochaine, a priori, ça sera pas une Brésil. Donc ça sert à rien de nous envoyer des trucs en brésilien ou en portugais. Ce coup-ci, ne faites pas. On revient sur un bon vieux François. Ah. François ? Oui, il vient. Oui, il sera là. Il sera là la semaine prochaine, donc c'est une spéciale François la semaine prochaine. Attends, laisse-moi checker la date de la semaine prochaine. Le 29 novembre. Incroyable. Le 29 novembre, tu sais que c'est la Saint-François. Oh là, c'est fou ça. C'est fou. Et en plus, voilà, du coup, on parlera en français. Tweeter François là. Attends. Vas-y. Je tweet. Il est pas en Hollande cette semaine. Oh la vanne. Et Attends, je remets un sifflet. Il aurait fallu même un replay. Si on pouvait faire ça. Le replay classe. Radiophonique. Voilà la chronique de l'expression de la semaine. Sauce Brésil cette semaine. Voilà, à vous de choisir. On repart sur du son. Ça s'appelle Bonde do Rolê. Le morceau s'appelle Solta o Frango, si je le prononce bien. Non. C'est Solta o Frango. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et ça date de 2007. Exact. On pourrait faire une petite Brazil Estimation, mais bon. Ça doit bien. Ça t'a pas si bien réussi que ça la semaine dernière. Ça doit bien. J'ai cru savoir. Et juste après, ce sera suivi par Cidinho et Doka, le morceau qui s'appelle Rapaz de Armas, qui était dans le film Bop, B-O-P-E, le film sur les brigades policières brésiliennes dans les favelas. Tropas d'élite, voilà, ça s'appelait aussi, troupe d'élite. Voilà, et c'était la bande originale. Bref, on se fait ces deux morceaux, vous êtes bien sur Tortoulière Arbatax, ça me fait plaisir. En direct du studio 2, on est ensemble jusqu'à 18h, et on se fera même un agenda Q dans la foulée. Todo bien. C'est Tortoline et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Je jurava que era crente. Alegria da moçada da peru, a favela da nossa som é fantástica. Salut, c'est Chico. Tu veux téléphoner pas cher. Tu as déjà mon bien que tu aimes beaucoup. Chico, il dit. Tu achètes le kit universal mobile chez ton marchand de journaux. Tu mets carte SIM dans ton téléphone. La carte SIM. Et c'est bonheur tout de suite. 15 euros seulement. Dans la nouvelle ligne. 100 minutes de communication. Et 50 textos. C'est liberté, c'est bien dans ta tête, c'est bien dans ton corps. Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va. Le nouveau kit Universal Mobile vient de sortir pour 15 euros 100 minutes de Si signo Doka, Rabas de Armas. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Morro do Dendê é um de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Morro do Dendê é o de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. De retour dans Tortelier Batax sauce Brésil. Là ça s'appelle Que Tempo Bomb. Les artistes c'est Taide et DJ tudo aquilo. Mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. curtição do pedaço. Era o La Croácia, eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias, sabia de cor. E fui crescendo, rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho matado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a franquicia, que maravilha. De sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim, o salto plataforma. Gerson Quincombo mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Tim Maia falava que só queria chocolate. Tony Tornado respondia. Lady Zu avisava, a noite vai chegar. E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com coisa nossa e ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Saudosa maloca, maloca querida, faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida. Grandes festas no Palmeiras, como a Chique Show, Zimbabwe e Black Mad eram company soul. E nos 80 comecei a frequentar alguns bares, ouvia comentários de lugares. Clube da Cidade, Guilherme Jorge, Clube Holmes, Roller Superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção. Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia que começou com o Brasil sendo tricampeão. Eu me adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando, observando a evolução radical de meus irmãos. Percebi o direito que temos como cidadãos de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução. Por isso Black Power permanece vivo, só que de um jeito bem mais ofensivo. Seja dançando break ou um DJ no scratch, mesmo fazendo grafite ou cantando rap. Lembra do Função, que com gilete no bolso tirava o couro do banco do busão. Uma tremenda curtição me fazia na calça a famosa pizza. No centro da cidade as grandes galerias, seus cabeleireiros e lojas de disco mantêm a nossa tradição sempre viva. Mudaram as músicas, mudaram as roupas, mas a juventude afro continua muito louca. Falei do passado e é como se não fosse, porque eu vejo a mesma determinação no hip hop, o Black Power de hoje. Essa é a nossa homenagem a todos aqueles que fizeram parte ou curtiram Black Power. Os Carlos, África São Paulo, Ademir Fórmula 1, Cascata, Circuit Power, Bossa 1, Super Som 2000, Transa Funk, Princesa Negra, Cashbox, Musicalia, Galote, Black News, Alcir Black Power e a tantos outros. Obrigado pela inspiração. C'est le retour. Culturel. L'agenda. L'agenda. Culturel. Culturel. Ça va être culturel. Pas de problème. C'est pas le retour. Problème. C'est le retour. Ça fait long time qu'on avait délaissé la culture en fait en général. L'agenda aussi. Moi j'avais laissé le cul. J'avais laissé le cul. Toi peut-être la ture. Mais... Tout ce qui était ture, turel, ouais. Tout ça j'avais vraiment complètement laissé. J'avais paumé mon agenda donc on était vraiment pas bien. Ah, c'est le retour de l'agenda culturel. Oui, effectivement, pas mal de concerts, pas mal d'actu dans les jours qui viennent sur BXL. Donc obligé d'en causer un petit peu. Ça pourrait d'ailleurs commencer dans 2 jours. Et vu qu'on est mardi. Ah, tu veux dire que ouais, je lance direct jeudi? Ça ferait jeudi, ouais. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. Ouais, d'accord. T'as entendu? Tu l'as entendu ou pas? 10 mètres, ça fait long time. Ça a l'air de bien te manquer, je vais la remettre. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. Yes, I. Alors, et là, jeudi, jeudi, je m'interloque moi-même quand je vois ce que c'est que jeudi. En fait, oh là là. Je viens de réaliser ce que oh c'est. Oveyo, Oveyo, j'ai envie de te dire. Oveyo, Oveyo. Oveyo. Et ouais, tout à fait. Ça se passe au Théâtre National, somptueuse adresse. C'est jeudi 24. Et sans rentrer dans les détails, hein, je vous annonce juste le rentre dedans. Le line-up. Vas-y, rentre-nous dedans. Rentre-nous dedans. Dans la même soirée, au Théâtre National, Guy Bedos. Qu'est-ce que c'est que ça? Suivi de LKJ, Linton Kwesi Jones. Alors, dès que je serai pas d'accord, je te lance des sifflets. D'accord. Voilà, ça va être juste comme ça. On peut déjà le compter, celui-là. Pas d'accord. Déjà, ou c'est un exemple. Enfin, quand je dis pas d'accord, ça peut être aussi contrarié, quoi. Ça me plaît pas, quoi. Je n'aime pas ça. Je t'ai contrarié, là. Voilà, c'est des petits indices, c'est des petits astérisques qui vont pour les auditeurs, quoi. Très bien. Bah, voilà. C'était juste pour annoncer ça. Non, mais c'est vrai que le line-up, pas dégueulasse. Oh, il est pas dans la même soirée, Guy Bedos, c'est LKJ. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment les deux? Bah je ne les connais ou pas. Ou est-ce que les gens vont aller pour voir Ikaji puis ils vont devoir supporter Guy Bedos et vice versa? Il y aura peut-être un featuring. Hein. Enfin, moi j'ai entendu parler ensemble d'un featuring Guy Bedos, LKJ. Ça peut quand même être pas mal. Quoi. Bref, pour en savoir plus, rendez-vous sur Festival des Libertés. C'est dans ce cadre-là que c'est organisé. C'est au Théâtre National. C'est jeudi. On zappe, on switch au vendredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Pour commencer bien le week-end. Ah bah oui, yes, ah bah c'est bien le week-end, elle parle toujours comme ça cette fille. Vendredi. Elle a pas pris l'accent brésilien, non, celle-là. Non mais malheureusement. Tout à l'heure elle nous a présenté comme Arbataxi New, je sais pas quoi. Ouais, non, elle fait des efforts, mais j'ai l'impression qu'elle suit pas tout le temps les cours du soir. Elle y va pas tout le temps, quoi. Elle est un peu comme toi en fait. Mais moi j'ai pas de cours du soir. Ah d'accord. J'ai pas de cours du soir. Tu fais quoi toi le soir? Je dis bonjour à mes amis de J-Boutique tous les soirs. Bonjour. En buvant des bières. Voilà, ils arrivent. Donc on était sur le vendredi, mais le vendredi, j'ai quand même quelque chose, et non des moindres, puisque c'est labellisé tampon. Là, c'est le bruit tampon. Labellisé panique, radio panique. Là, il me faudrait quelque chose. Radio panique. Effectivement, il me faudrait. C'est une mini panique party et c'est une spéciale We Ira Bien qui We Ira le dernier, animée par Chloé. Ça se passe un dimanche sur deux, trois, c'est à sa convenance, je dirais. Voilà, Chloé qui présente cette émission, Où ira bien, qui est Où ira le dernier, elle fait une fête pour son anniversaire, tout simplement, des gâteaux, des bougies, et surtout beaucoup d'amis, dont... Des musiciens, ouais, pas mal de musiciens, super. Quasiment une dizaine de musiciens, un peu tous les styles, ça passe du hip-hop au folk, à l'électro-expérimental... voilà, il y en aura pour tous les goûts et ça se passe au Cave rue d'Artois, au 44, j'adore ce chiffre, Cave rue d'Artois, c'est au métro Anessence et voilà, tu y rentres à partir de 20h30. Ah, ce d'accord. Qui veut dire si tu arrives avant, tu ne peux pas. Tu poireautes. tu te mets ton poireau tranquille. C'est 25 novembre, donc c'est ce vendredi, il vous en coûte 2,99€ et c'est la surprise quand même de ce vendredi, c'est 2,99€ mais tu as un CD. Un CD de 12 titres avec les titres avec les artistes qui jouent ce vendredi même. Donc voilà, on vous y invite. C'est plus une surprise. Bah moi je vous invite. La surprise est pétée. La surprise est foutue. Voilà. Tu mettras un coup de sifflet pour toi-même. Donc siffle-toi-toi-même. J'arrive pas à parler en même temps. Si, ça va, j'arrive à le faire quand même. Donc c'est voilà, une mini panic party. Venez tous, 2,99€, fait par le radin. Sympa. C'est vendredi, au Cave, rue d'Artois. Pourquoi gueuler? Et viens avec ta petite monnaie, hein, parce que 2,99€. On va pas te rendre la monnaie. Bah, je crois pas qu'on va te rendre un centime, hein. Laisse tomber, mon gars. Ça, c'est le prix de. Ça, c'est pour vendredi. Est-ce que Arbatax, tu as quelque chose également pour vendredi? Bah, un truc qui n'est pas passé les appareils. Pardon, oula. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends. Merci. Voilà. Un truc qui n'est pas passé inaperçu. Je te fais un long parce qu'il était gros celui-là. Le retour, le comeback des Zebda, toujours dans le cadre du festival. Ouais. Ouais, t'as dit Zebda, je crois. Ouais, tu tomberas ta chemise, mais tu tomberas aussi ton sifflet. C'est Zebda qui s'était accompagné de Hit Machin, si je me rappelle bien, j'ai cru voir. Oui, c'est mon voisin. Voilà. Hit Machin, on te laissera découvrir ce que c'est. Zebda qui revient, Théâtre National, dans le cadre du Festival des Libertés. C'est à 21h30 ce vendredi. Par contre, vendredi, autre chose, la Beaux-Arts Night. La Beaux-Arts Night, ouais, tout à fait. De 20h à 4h du mat. Des fois, on dit 4h du tam, c'est en verlan. Voilà, j'explique. Hein. Tu veux que je développe un petit peu sur cette Beaux-Arts Night? Bah, tu peux développer. Qu'est-ce que tu en sais? Que juste après avoir vu l'expo à Europalia Brasil, tu peux te rendre à la Bozarna qui commence dès 20h jusqu'à minuit et demi pour les expositions. Donc il y a des expositions qui vont de 8h jusqu'à minuit et demi et les concerts commencent à partir de 22h jusqu'à 3h30. Dans les concerts, tiens-toi bien, j'ai l'impression que tu ne tiens pas bien. Ah non, t'es bien tenu ? Non, je contrôle, je check. Tu contrôles ? Dans les concerts, il y aura notamment, enfin, on a surligné quelques artistes. Il y a Lego Welt et Herbalizer. Oh là là, je ne te tiens plus. Mais il y aura également Apavoramento Sound System. C'est un Sound System. Maintes fois, faudra que tu le dises. Apavoramento Sound System, c'est Apavoramento Sound System. Attends, voilà. Il débarque pour la première fois peut-être pas en Europe, mais au moins en Belgique. Et voilà, ça va faire du bruit. Les mecs qui sont dirigés par John Woo. Je sais pas si tu visualises John Woo. Mission impossible. Voilà, c'est le chef d'orchestre de ce collectif et voilà, c'est un mélange de bass music, break, hip hop, funk, karaoke, baile funk, tout ça combiné avec l'art du VJing. Je sais pas si tu visualises le VJing. D'accord. Non, voilà. C'est pas mal. Mais en plus, c'est bien parce que je crois que ce sera pas encore pour eux la première fois en Europe parce que et en fait, ils seront en direct du Brésil apparemment. Ah bon? Ouais, il reste à Casa. Il reste à Casa. Là, je sais pas, c'est tranquille. Très bien. On a dit Favelas. On nous aurait indiqué sur notre Facebook que c'est un live, en direct live du Brésil. Ah d'accord. Donc je sais pas, peut-être sur écran. Ils seront sur écran. Dans tous les cas, il y aura du bon son parce que ça sera du son qui sera envoyé par eux. Voilà. Après que tu les vois à 10 mètres ou à 10 000 km. On les verra même mieux, ça se trouve. Peu importe quoi. Bah ouais, apparemment, ils sont tout petits. T'auras pas des grands flamands devant toi qui t'empêchent de voir. Allez. Non, là, il y aura pas de soucis. Ça, c'est dit. En plus, après, derrière Apavoramento Sound System, que je redis pour la 8ème fois, il y aura Lefto et DJ Melo qui sont également de très bons DJ et des visuals. Approuvé par Tortoli. Ah, j'approuve, je tamponne. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Herbalizer, Lego Well, tout ça, bah ouais, bonne soirée. Tu veux un price? 7 euros en pré-vente. Voilà, tu veux un price sur place? À la porte? Bah toi déjà à la porte tu rentres pas. Et après si tu t'habilles bien c'est 10 euros. Ah bien. Voilà. Et si je m'habille comme moi, comme d'hab? Comme moi. C'est 15. Non, c'est pareil. C'est pareil. Nickel, bah ça va, bon plan, bonne soirée. Ça c'est vendredi, t'as autre chose pour le vendredi? Non, ça va aller quand même, je pense là. On va essayer de tout faire, mais ça va être chaud. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever? Une fois n'est pas coutume, dis donc. Ouais, vas-y. Tu l'as vu celui-là? Tu le lances maintenant. Ah non, je te remettais l'autre, le vieux là. Toujours dans le cadre du Festival des Libertés, je poursuis sur ma route. Pas de problème. C'est encore au Théâtre National qui désormais qui dit donc ne désemplit pas hein, en cette semaine. J'aime pas ce mot désemplir. Attends, je vais te dire qui n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est George Clinton qui sera donc samedi, qui prend la relève après Guy Bedos, après LKJ, après Zebda. George Clinton, le frère de Bill. tout à fait. George Clinton. Parce que Monica sera là. The Parliament Funkadelic. Donc, musique. Déjà, ils étaient à Couleur Café au mois de juin. Et puis en plus, c'est pas mal. Hein, c'est le mec qui a un peu inspiré tout le mouvement West Coast par la suite. Je sais pas, Snoop, Dre, tout ça. Snoop Dre. Attends, j'ai plus de mémoire. Snoop Dre. Je peux plus accueillir de Snoop SMS, Dre. Ça, Snoop Dre. Snoop Dre, etc. Toute cette époque là qui se sont inspirés pas mal pour leur son un peu West Coast de la funk révolutionnaire funkadélique de la funkadélique de George Clinton, artiste un petit peu zinzin s'il en est. Oui tout à fait, j'adore les zinzins de l'espace. Il y aura en plus un film et en plus un débat, donc là à chaque fois ils peuvent pas s'empêcher, ils mettent un film, ils mettent un débat. On a l'impression que c'est à chaque fois film débat. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils veulent arrêter le débat. Il y a pas de débat. Le mec a fait un film, il a fait ce qu'il pouvait, il a bien fait ça. Si vous voulez débattre, fallait pas l'inviter, fallait passer à autre chose. Non, chez toi, si tu veux débattre, tu te mets sur Skype. Parce que nous, on invite des groupes ici ou des invités, ensuite on en débat de savoir si c'était bien, c'était pas bien. Il n'y a pas de débat. Si tu veux faire un débat, dégage. On n'est pas là pour ça. Et il y aura aussi Zion Train. Alors Zion Train. Si, c'est un sound system ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah là. Donc tout ça pour le prix d'une soirée. Est-ce qu'il faut se taper le débat pour avoir Zion Train derrière? Non. Je pense que. Voilà. J'ai eu peur. Non, ça va, faut juste se taper la file. Et, La file. Lily. Si t'es avec des potes devant, tu les prends par les épaules. Et tu fais la file. Tranquille. La file. Et allez, un peu plus. plus underground. C'est pas dans le même quartier, c'est à Matongué, c'est rue de la Paix exactement, à la Afrikaans Huis. Hein, je le dis en néerlandais. C'est Huis que j'aime pas. C'est la maison des Africains, je crois. Il y a une soirée Movement Reggae Concert. The Real Thing, The Place to Be My Friend. C'est Bakis Debako and the Jammers qui sera là. Voilà, endroit original, en plein Matongué. C'est juste en face du fleuriste qui sort sa petite table devant pour prendre son café et qui pique une place de bagnole à chaque fois. Je sais pas si vous voyez cet endroit. Oui, le fameux. Ouais, vous verrez bien. Rue de la Paix, voilà. Petit concert reggae sympa à Matongué, ça peut le faire. Très bien. Ça veut dire que c'est ça fini. Veut dire que c'est la fin du match. Ok, fin du match, fin de l'agenda culturel. Merci à tous. Voilà, vous pouvez rentrer. Je me casse. Vous pouvez remettre vos stylos, il n'y a pas de souci. Parce que là, il y a aussi de l'écriture à faire, puisque vous allez noter le prochain artiste qui va passer, ou plus le prochain collectif qui s'appelle Bezerra da Silva. Le morceau s'appelle Eu Sou Favela, ça veut dire je suis favela. Et on peut considérer Bezerra da Silva, je le dis très mal, je m'en fous. Bezerra da Silva comme un peu l'ambassadeur des favelas au Brésil. Karim Bezerra. Voilà, c'est ça, voilà, da Silva. Le fameux. Et voilà, cet artiste, voilà, apparemment, voilà, il s'instigrait, ça n'existe pas comme mot, mais je le dis. Bah, du coup, sifflet. Du coup, sifflet. Il s'instigrait, ouais, c'est parce qu'il s'instigue. Ça peut être une bonne expression de la semaine. Ambassadeur des favelas. Le morceau Eu Sou Favela est donc plus ou moins l'hymne national des favelas, s'il en est. S'il en est. Voilà. Et ce sera suivi par bien d'autres morceaux, mais ça, nous, comme vous, ne le savons pas encore. On en causera. Vous êtes bien sur Radio Panique, il est 17h. 45 et il nous reste largement assez. C'était pas du portugais ça. Vous nous envoyez vos commentaires. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é problema social. A favela é problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. Mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada. E essa verdade não sai no jogo. A favela é um problema social. Bonitinho, bonitinho. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. Mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Bom dia, c'est Tortolinho et Arbataxinho sur Radio Paniquinho, et c'est une spéciale Brasil. Todo bem ou quoi? Fala sério! Fala sério! Radio. Apavoramento Sun System avec le titre Ghetto Vito Sync. Apavoramento Sun System. Embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui. C'est Ortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. De retour dans les studios de Radio Panique, vous écoutez Ortoli et Arbatax. Et que toute l'équipe de G-Boutique se prépare. Exactement, exactement. Là, vous venez d'écouter un morceau de Chico Science. Chico Science, musicien, Chico Science. Musicien de génie brésilien qui a été l'initiateur de tout le mouvement Mengue Beat, dont ce morceau que vous venez d'écouter, le morceau qui s'appelle Tortoli, j'ai un petit Maracatu Atomico. Maracatu Atomico, voilà, qui est je Maracatu pense Atomico. Le morceau le plus célèbre. Mengue Beat, voilà, qui mélange texte révolutionnaire. Et puis la fusion d'une musique traditionnelle avec des rythmes plus modernes, metal, hard, rock. La fiche Bristol hip-hop, était bien. Électro. Oui, voilà, tout à fait, tout nickel. À fait. Fondateur du Mengue Beat et fondateur du label Mundo Livré, voilà, sur lequel on retrouve DJ Dolores et d'autres artistes qu'on a pu passer ici. Un des gros labels. Tu regardes derrière moi comme s'ils étaient là. Voilà, c'est ça. On a pu, ah, DJ Dolores. Ouais, bah, viens. Mais surtout ça, DJ Dolores. Chaque fois qu'on passe un morceau ici, ils sont tous là. Ils se mettent là, ils s'installent sur les canapes, tranquille. Plus trop avoir de place. Voilà, ça fait plaisir. C'est la fin de cette émission. C'est l'émission. On va laisser place à Djibouti qui accueille le groupe Gansan, si je le prononce bien. Là, je jette un petit coup d'œil sur le batteur qui se prépare. Et donc c'est du live. Hein. Là, on annonce du live sur Radio Panique. Ce sera dans Djibouti dans quelques minutes, le temps qu'ils s'installent, les amis de Djibouti. Nous, on va se quitter tranquillement sur un classique. On va se quitter sur un classique, mais juste avant le classique, un petit remerciement à tous ceux qui nous ont filé du son. Ils se reconnaîtront. Exact. Et je l'ai dit parce que ça rime. Et du son, reconnaîtront. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et continuez donc, suggestions de morceaux, suggestions de thématiques. On va bientôt faire une thématique genre. Donc voilà, genre, si t'as des genres. Genre, transgenre. Si t'as des idées, genre. N'hésite pas. tortoli@gmail.com. Il y a aussi le Facebook, tu connais pas, bah c'est pareil. Ce sera pour début décembre. Nous, on a encore aucune idée, donc vous pouvez envoyer tout ce qui vous paraît convenir au genre et transgenre et tout ce qui s'ensuit. En attendant, on parlait d'un classique, bah on va se faire un petit George Ben, hein, je crois. On va se faire un petit George Ben qui est remixé en plus, non? Non, non, c'est juste le Taj Mahal. C'est l'original, Taj Mahal. Ça fait pas un peu la la la la la. C'est un peu ça au Veio, voilà. Au Veio. N'oubliez pas, vous votez pour l'expression de la semaine, au Veio face à comment ça s'appelle? Puta que pariu. Ah ouais. Voilà, tout au Ben. N'oubliez pas, vendredi mini panic party, la même, mais en plus gros, au Beaux-Arts Night. Voilà. C'est tout? En plus gros, Beaux-Arts Night. C'est cool. Ce sera au Cave, rue d'Artois. Panic party. On se retrouve mardi prochain, 17h, 18h. C'était Tortoli Arbatax. Plaisir. C'était un honneur. En direct du studio 2, on a pris nos marques, ça y est. On a fait des petites choses dans les coins. C'est bon. Moi, j'ai tout rendu. For you parto. Allez, au Veio, à la semaine prochaine. Salut. À chercher le bonheur. Radio Panique, 105.4 New. Tout d'abord. Et un dernier petit coup de sifflet. Plutôt bien placé. Do amor do príncipe Chagerran pela princesa. momento em homenagem ao amor, construído em 1040, no ano Égira. Um presente do príncipe Shah Jahan para sua amada Nimah.